c'est agité. C'est HKOK donc ce sera agité. Dis à la concurrence qu'elle se fera gifler, que sur le terrain elle se fera siffler. Ici c'est N-O-G-E-N-T, on vit malgré la chienneté. Ah, c'est pour les refrains. Yeah. Fidèle à mes principes, fidèle à mes codes. Au respect des autres, je vous incite, suivez la méthode. La vérité ne sort pas de chez l'instit, mais va à l'école. Confond pas ton grec avec une omelette au bacon. Fidèle à mes principes, fidèle à mes origines. Je conçois pas la réussite en vendant de la résine. J'ai jamais taillé des pipes pour avoir un featuring. Alhamdoulilah, je mange halal, me parle pas de grippe porcine. Je m'agrippe à mes projets, si ça marche pas, je ferai du forcing. Fais-moi signe si tu vois le bonheur, ici je le vois pas. Car les trois quarts perdent leur honneur et servent d'appât. C'est la hesse quand t'as pas de joint, quand tu finis au HEP sans plein mois de juin. Aucun mandat sans missile pour te mettre bien. Et ton gamin avec 20 E, ça faisait les courses à ED. Aujourd'hui je regarde ton ticket de caisse, il peut presque aveugler. T'as beau beugler tant que tu veux, l'état ne passera pas aux aveux. D'Inch'Allah il fait un vœu, rien ne sert de mettre des caisses en feu. Y'a ses trois frères à rifle, et trop d'arun qui rêve bleu. Dor il pleut, c'est la guinance. Les poches, y'a pas de finance, pas d'abstinence devant des reines. Z, les frères sont de vrais brains. Une bite dans la tête et ça court à l'hôtel. Bref, j'suis trop ZRF car nos valeurs se sont effondrées. La vie pleure de douleur depuis que les colons l'ont rencontré. Fidèle à mes principes, fidèle à mes codes. Au respect des autres, j'vous incite, suivez la méthode. La vérité ne sort pas de chez l'instit, mais va à l'école. Qu'on vaut pas ton grec frit avec une omelette au bacon. Fidèle à mes principes, fidèle à mes origines. J'conçois pas la réussite en vendant de la résine. J'ai jamais taillé des pipes pour avoir un featuring. Ray, si t'es en panne, y'a que l'islam qui te sert de cause. 2010, si t'as pas de thune, ça sert à well ou de faire des gosses. Inutile de faire le boss et prendre les gens pour des bolos. Vas-y mollo car un sac d'os pourrait te larguer une bastos. Ici, on veut tous le salaire de Messi. Mais chacun son mektoub et chaque avenir se dessine. Que des chiffres sur les joues, de la jalousie, l'hypocrisie. Ma poésie est destinée à ceux qui se tapent et qui résistent. Fidèle à mes principes, j'ai pas de string sur la tête. Hashtag le rap français, ils usent trop de gag à l'appel. Que des pseudo-criminels, des voyous voix qui vantent leur péché. T'as braqué des convois vendus de la cesse dans ces rêves déchets. C'est chez les frères muscles qu'on trouve le vrai réconfort. Ceux qui t'expliquent comment vivre en France sans baisser son froc. Motherfuck, c'est Hitchcock, des rimes en bloc. Du destin pour mes rapsa et blagues qui traînent en bas des blocs. Fidèle à mes principes, fidèle à mes codes. Au respect des autres, j'vous incite, suivez la méthode. La vérité ne sort pas de chez l'instit, mais va à l'école. Confond pas ton grec frit avec une omelette. Fidèle à mes principes, fidèle à mes origines. J'conçois pas la réussite en vendant de la résine. J'ai jamais taillé des pipes pour avoir un featuring. Tu me croiseras bas en réseau à Chorob du Jack Daniel. J'vois la plupart des gars qui se contrôlent pas font grave des hack. Moi j'suis Hitchcock, algérien aussi en Kabyle. J'possède le son qui te force sans Raven et sans calibre. À l'époque traîner avec nous ça dans la ville. C'était hey, t'as pas une clope, on prend ta casquette crocodile. Inconscient et insouciant de ce qui pouvait nous arriver. La plupart ont chaviré quand lycée les a virés. Ciré, des pompes, j'peux pas faire ça. J'ai trop de principes, je n'irai jamais taper que ça. D'une même est fragile, au mic j'suis agile. Et j'en place une pour tous les ragiles qui tapent des douettes au cachir et qui s'en foutent du cachemire. Fils d'immigré algérien, j'peux pas le renier. Même si la France a foutu mon histoire dans un grenier. Suffit de faire l'effort, suffit de rester fort. Suffit de ne pas baisser les bras. Mais vers un deck, on peut te faire les poche. Fidèle à mes principes, fidèle à mes codes. Au respect des autres, j'vous incite, suivez la méthode. La vérité ne sort pas de chez l'instit, mais va à l'école. Confond pas ton grec frit avec une omelette au bacon. Fidèle à mes principes, fidèle à mes origines. J'conçois pas la réussite en vendant de la résine. J'ai jamais taillé des pipes pour avoir un featuring.